Le bonhomme Rivet revint enchanté pour la pauvre demoiselle Fischer qui dînait chez lui tous les lundis et qu'il allait y trouver. « Si vous pouvez le faire bien travailler, dit-il, vous serez plus heureuse que sage. Vous serez remboursée, intérêts, frais et capital. Ce Polonais a du talent, il peut gagner sa vie. Mais enfermez ses pantalons et ses souliers, empêchez-le d'aller à la chaumière et dans le quartier Notre-Dame de Lorette. Tenez-le en laisse. Sans ces précautions, votre sculpteur flânera, et si vous saviez ce que les artistes appellent flâner, des horreurs, quoi. Je viens d'apprendre qu'un billet de 1 000 francs y passe dans une journée. » Cet épisode eut une influence terrible sur la vie intérieure de Venceslas et de Lisbeth. La bienfaitrice trempa le pain de l'exilé dans l'absinthe des reproches, lorsqu'elle crut ses fonds compromis, et elle les crut bien souvent perdus. La bonne mère devint une marâtre. Elle morigéna ce pauvre enfant, elle le tracassa, lui reprocha de ne pas travailler assez promptement et d'avoir pris un état difficile. Elle ne pouvait pas croire que des modèles en cire rouge, des figurines, des projets d'ornement, des essais pussent avoir du prix. Bientôt, fâchée de ses duretés, elle essayait d'en effacer les traces par des soins, par des douceurs et par des attentions. Le pauvre jeune homme, après avoir gémi de se trouver dans la dépendance de cette mégère et sous la domination d'une paysanne des Vosges, était ravi des câlineries et de cette sollicitude maternelle éprise seulement du physique, du matériel de la vie. Il fut comme une femme qui pardonne les mauvais traitements d'une semaine à cause des caresses d'un fugitif raccommodement.